l'émergence d'un potentiel droit des déplacements climatiques que je tiens à mettre entre guillemets, voir justement sa portée juridique et les perspectives pour les protections des personnes déplacées en raison des dégradations environnementales. Donc on a souvent entendu parler des réfugiés environnementaux, des réfugiés climatiques, des migrants de l'environnement, des personnes déplacées par les changements climatiques. Et en l'absence d'un véritable consensus sur la terminologie, une certaine hésitation dans le choix peut être constatée. Ces expressions ne sont pas juridiquement neutres. Le choix en faveur de telle ou telle expression est souvent teinté d'opportunisme, chacun souhaitant défendre son agenda politique ou humanitaire. Il existe une tentative de compréhension du phénomène des déplacements environnementaux de manière générale ou du phénomène des déplacements climatiques de manière plus particulièrement à travers un questionnement de la pertinence des termes choisis pour désigner le phénomène. Toutefois, les débats ont souvent porté sur les choix terminologiques qualifiant le mouvement lui-même. Est-ce qu'on est en présence de réfugiés ou doit-on plutôt évoquer les migrants ou est-ce qu'il serait mieux de parler de personnes déplacées? Et si les environnementalistes et les géographes ont peut-être discuté davantage sur le terme renvoyant au volet justement environnemental, donc sur le terme renvoyant à la cause, cela n'a pas toujours été le cas des juristes, qui ont probablement pas mesuré l'ampleur des implications juridiques du choix du terme renvoyant l'environnement. Donc tantôt désigné par le terme environnemental, tantôt qualifié par le terme justement climatique, l'événement déclencheur des déplacements peut renvoyer à une classification plus ou moins large. Donc lorsqu'il s'agit d'évoquer l'adjectif environnemental, celui-ci est susceptible de renvoyer à plusieurs causes de départ. Donc nous retrouvons dans cette catégorie les catastrophes naturelles soudaines, les dégradations de l'environnement à déclenchement long, ou les causes plutôt anthropiques comme les projets de développement, les catastrophes industrielles. Et enfin, certains spécialistes mettent aussi dans cette catégorie les conflits armés comme conséquence ou cause des dégradations environnementales. S'agissant du terme climatique, il renvoie bien évidemment au changement climatique et les changements climatiques sont l'une des manifestations des changements environnementaux globaux, le climat étant l'un des éléments justement constitutifs de l'environnement. Et bien que les déplacés environnementaux ne sont pas uniquement des déplacés climatiques, les enjeux du réchauffement climatique sont tels qu'on assiste aujourd'hui à un centrage de plus en plus c'est un sondage qui s'est fait de plus en plus sur le concept de déplacé climatique. Et justement, une classification large de la catégorie des déplacements dus au changement climatique regroupe les catastrophes hydrométéorologiques soudaines, donc les catastrophes naturelles soudaines, les catastrophes à déclenchement long, la fameuse montée du niveau de la mer, mais aussi les mesures de riposte au changement climatique, comme les mesures d'adaptation, qui, eux, sont aussi susceptibles de déplacer des personnes. Donc, c'est un peu la contradiction, ce sont les mesures de lutte des changements climatiques qui, à leur tour, déplacent les populations. Et enfin, on retrouve également, encore une fois, les conflits armés qui sont déclenchés par la concurrence exacerbée sur le contrôle de certaines ressources naturelles qui vont se raréfier à cause des changements climatiques. En l'absence d'une reconnaissance statutaire spécifique des personnes déplacées en raison des facteurs environnementaux de manière générale, de nombreux travaux traitant de la possibilité de placer ces personnes-là sous l'égide des instruments internationaux en vigueur ont été menés par la doctrine. Et les évolutions enregistrées par le régime international du climat depuis quelques années sont de nature à orienter ce débat, laissant croire à une éventuelle émergence et potentielle droit des déplacements climatiques, même si, je précise, il reste beaucoup à faire. Et reste toutefois à se demander, justement, compte tenu de ces évolutions, si cette potentielle émergence d'un droit des déplacements climatiques dans le régime international du climat impliquerait pour la protection des déplacés climatiques, mais aussi pour les autres catégories de déplacés environnementaux. Et donc, pour répondre à cette question, je vais examiner justement l'avancée qui est bien évidemment prometteuse en faveur des déplacés climatiques au sein du régime international du climat, et voir que justement cette avancée-là a du mal à s'étendre à d'autres catégories de déplacés environnementaux. Donc, est-ce que cette avancée enregistrée au sein du régime international du climat s'est traduite par l'émergence d'une nouvelle discipline prévoyant un régime de protection juridique en faveur de ces derniers? C'est la question à laquelle je vais répondre justement dans ma première partie. À l'évidence, la constatation d'une naissance ou d'une émergence d'une nouvelle discipline implique l'examen de certains critères. Donc, premièrement, c'est un besoin de droit qui est à l'origine d'une émergence d'une nouvelle discipline. Ce sont généralement les contraintes de la nécessité. Un besoin de droit qui est d'ailleurs manifesté lorsqu'il existe une conscience sociale accrue autour d'un sujet. Et ce qui est d'ailleurs le cas autour des déplacements climatiques. Ce besoin de droit, justement, dans le cadre des déplacés, dans la problématique des déplacés climatiques, est d'autant plus renforcé que le droit international n'apporte pas de réponse globale et holistique à la problématique. Il est vrai que le droit peut parfois être en inadéquation avec de nouveaux phénomènes émergents, de nouvelles préoccupations qu'il faille l'adapter. Et donc, dans ce cas de figure, c'est les faits qui devancent le droit, donc les éléments factuels qui devancent le droit. Et avant de pouvoir être saisi par la sphère juridique, les faits ont besoin d'être conceptualisés. Et dans le cadre de la problématique des déplacements climatiques, cette conceptualisation a été entamée dans les divers travaux doctrinaux et scientifiques. Les institutions internationales ont largement contribué à la réflexion et au travail de conceptualisation. Malheureusement, ce travail se poursuit encore parce qu'il existe encore de nombreuses zones d'ombre. Mais une fois cette étape franchie, cette émergence ne peut être constatée qu'à partir d'éléments caractérisant une certaine singularité. Il faut que la nouvelle discipline comporte des traits particuliers. Et en évoquant la naissance du droit de l'environnement, le professeur Michel Prieur relevait que l'apparition d'une nouvelle branche du droit peut être admise à partir du moment où il existe ou apparaît un certain particularisme autour d'un objet nouveau. Et ce particularisme peut d'ailleurs se mesurer, entre autres, il y a plusieurs bien évidemment paramètres, mais il peut être mesuré à l'aune de la distorsion qui peut exister entre le droit écrit et les nécessités de la pratique. Et cette distorsion-là, on la retrouve dans le cadre justement des déplacements dus par les facteurs environnementaux de manière générale. Et face à cette distorsion, un véritable travail de lobbying normatif a été mené à plusieurs niveaux. Cette appropriation de la problématique des déplacements climatiques et environnementaux dépasse purement la sphère doctrinale, car les actions des institutions internationales et de certains États ont été foisonnantes depuis maintenant quelques années. Je fais référence notamment aux actions de l'UHCR, de l'OIM, qui travaillent conjointement, séparément, mais aussi au niveau de l'ONU, des rapporteurs spéciaux qu'on a évoqués ce matin. Il ne faut pas oublier non plus l'action des États vulnérables, notamment insulaires, qui, regroupés sous la bannière de l'Alliance des petits États insulaires, ont mené des actions de lobbying non négligeables au sein justement des négociations internationales. Pour autant, donc il y a un besoin de droit, il y a une appropriation de la problématique, pour autant, est-ce que nous nous dirigeons vers un véritable régime de protection des déplacés climatiques au sein du régime international du climat? Et tout cela va être justement apprécié à l'aune de plusieurs éléments. Oui, il y a une percée progressive de la question migratoire dans le régime international du climat. Et donc, il y a également une percée des questions liées aux droits de l'homme. On a également un potentiel mécanisme d'indemnisation qui est en train de naître, donc vraiment potentiel, un grand potentiel. Et peut-être que nous verrons aussi un jour un organe institutionnel chargé de la protection des déplacés climatiques. Donc, pour la percée de la question migratoire, après les déceptions de la conférence de Copenhague, c'est à la conférence de Bonn en 2009 que la question migratoire a fait son entrée. Il a été en effet consacré que les mesures d'adaptation doivent notamment comprendre les activités liées à la migration interne, internationale, la réinstallation planifiée des migrants, réfugiés, personnes déplacées. Donc, bien qu'aucune allusion au droit des personnes déplacées ne soit faite, cette mention permet d'envisager pour la première fois la migration, la réinstallation planifiée comme une stratégie d'adaptation qui peut être envisagée pour contrer, pour s'adapter au phénomène des changements climatiques. Ensuite, c'est en 2010 à la conférence de Cancun, donc dans l'accord de Cancun, que les parties ont été invitées à adopter des mesures propres à favoriser la compréhension, la coordination et la coopération concernant les déplacements. De prime abord, cette mention n'a rien de révolutionnaire. Donc on se limite à la compréhension, à la coordination et à la coopération. Mais cette disposition peut emporter deux conséquences utiles. Nous avons la confirmation que le régime international du climat envisage désormais la migration comme une stratégie d'adaptation. Ensuite, si la migration est bien envisagée comme une stratégie d'adaptation, cela veut dire que les États développés doivent alors aider les pays en développement, donc qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique, à faire face aux coûts des migrations au titre de leur obligation en matière d'adaptation posée par la Convention cadre. Et la prise en compte de la question migratoire par le régime climatique au titre de l'adaptation laisse d'ailleurs entre ouvertes des perspectives de financement de programmes de protection destinés aux déplacés climatiques. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, et ce même si les programmes de protection sont en dehors du régime international du climat. S'agissant maintenant de la percée des questions liées aux droits de l'homme, parce que qui dit protection dit justement protection des droits de l'homme, cette percée est relative, mais elle laisse des perspectives tout de même intéressantes. Et c'est en 2000, la question des droits de l'homme a fait son inscription sur l'agenda des négociations climatiques à partir du plan d'action de Bali en 2007. Et en 2010, à la conférence de Cancun, nous avons enregistré une avancée parce que, justement, dans la décision fait référence à la résolution 10-4 du Conseil des droits de l'homme relative au changement climatique et aux droits de l'homme. Les États partis ont été incités à respecter les droits de l'homme dans les mesures ayant trait au changement climatique. Mais c'est dans le préambule de l'accord de Paris que la mention des droits de l'homme a été effectivement introduite. Cette mention est d'ailleurs accompagnée par une référence directe aux migrants dans les termes suivants. Les parties devraient, au conditionnel, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir, prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, le droit des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, etc. Certes, cette disposition est la moins ambitieuse parmi les options proposées aux États dans le texte de négociation. Elle ne dispose pas non plus de force obligatoire contraignante, étant quand même une disposition préambulaire, et peut difficilement être invoquée pour avoir un effet immédiat concret. Sauf que, il faut toutefois relever qu'elle constitue quand même un pont entre deux branches du droit, pourtant cloisonnées jusqu'à maintenant. Et les COP à venir pourront l'exploiter, justement, pour la rendre plus opérationnelle au service d'une protection en faveur des personnes déplacées en raison des changements climatiques, et je pense aussi à l'exploitation par le juge international, qui jusqu'à maintenant a été frileux pour faire justement une interprétation intersystémique des deux branches du droit international, donc le régime international du climat et les droits de l'homme. Donc cette disposition peut servir de pont entre ces deux régimes déjà. S'agissant de l'émergence d'un mécanisme d'indemnisation, c'est à la conférence de Doha qu'on a commencé justement cette évolution, et c'est à la conférence de Varsovie que cette évolution a été confirmée, dans la mesure où on a considéré la mobilité humaine comme l'un des principaux types de pertes non économiques liées au changement climatique. Par la même occasion, les États se sont également mis d'accord pour la mise en place d'un mécanisme international relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. C'est le fameux mécanisme de Varsovie. Malgré un intitulé très aguichant, le mécanisme international de Varsovie se contente de prévoir des activités de compréhension surtout de connaissances et demande aux États de favoriser la coopération. Et aucune allusion tangible à la notion même de compensation des pertes subies ne peut être décelée, et ces doutes ont d'ailleurs été confirmés dans l'accord de Paris qui consacre son article 8 aux pertes et préjudices, et on ne retrouve pas justement cette notion de compensation, la notion de réparation dans l'accord de Paris. Concernant l'organe institutionnel justement chargé de la protection, l'accord de Paris, donc là, c'est plutôt la décision de la COP21, prévoit la création d'une équipe spéciale au titre des arrangements institutionnels. Et donc, cette création est prévue dans les dispositions relatives aux pertes et préjudices. Et donc, cela peut être considéré comme prometteur. Donc, on peut peut-être voir dans le futur cette équipe spéciale se voir attribuer un rôle opérationnel, mais son rôle, justement, en matière de compensation et d'indemnisation ne ressort pas clairement des dispositions. Donc, en conclusion de cette première partie, on peut dire que l'ampleur des réformes, la deuxième partie, elle est très courte. Elle est très, très courte. Il reste vraiment une minute. L'ampleur des réformes engagées depuis un laps de temps dans un domaine donné, justement, peut être en mesure de conforter l'émergence d'une nouvelle discipline. Or, dans le cadre, justement, du régime international du climat, le droit des déplacements climatiques n'est malheureusement pas encore fondé sur un ensemble normatif cohérent et solide, pouvant laisser croire justement à une émergence d'un véritable régime de protection, parce que justement les avancées juridiques qui sont aujourd'hui enregistrées ne permettent pas d'atteindre pleinement les objectifs de protection qui sont, donc la notion de protection quand même elle est envisagée par les activités préventives, réactives mais aussi correctives. Donc à travers ces critères, on peut voir que le régime international du climat, le droit des déplacements climatiques ne répond pas encore à ces objectifs-là. S'agissant des autres catégories de déplacés environnementaux, ils sont a priori justement en dehors du champ d'application du régime international du climat. Et nous allons voir justement les potentiels achoppements et en quoi justement cette distinction entre les déplacés environnementaux et les déplacés climatiques est relative, cette distinction est relative et parfois même arbitraire. Donc parmi les potentiels achoppements, nous pouvons retrouver l'un des premiers obstacles est la volonté des États qui contrairement à ce que l'on peut penser, cette réticence à intégrer les déplacés environnementaux dans le régime international du climat ne serait pas l'exclusivité des pays développés. Parce que, justement, dans une logique de justice corrective, ces derniers ne voudraient pas payer plus qu'ils ne doivent. Et s'agissant des pays en voie de développement, on ne peut pas nier qu'il existe une volonté de leur part de rester justement sur cette rhétorique relative à la justice corrective, parce que cet argument-là leur sert de levier dans les négociations internationales pour mettre la question de la responsabilité au sein des négociations et obtenir davantage de financement. Donc, j'avance sur les potentiels justement achoppements que je ne vais pas justement continuer. Mais s'agissant de la distinction relative justement entre les déplacés environnementaux et les déplacés climatiques, cette distinction est difficilement recevable d'un point de vue éthique. Justement, quelles sont les raisons qui justifieraient qu'une personne déplacée par un tsunami aux Philippines devrait être mieux protégée qu'une personne déplacée par un tremblement de terre au Népal ? Donc je laisse au public cette question, le soin de réfléchir à cette question parce que j'ai pas le temps. Mais d'autres avancent justement cette distinction peut être retenue en termes d'efficacité de l'assistance apportée. Cette distinction a le mérite de répondre spécifiquement à chaque type de déplacés environnementaux, car les besoins de protection et d'accueil seraient variés, parce que les dégradations graduelles ne nécessite peut-être pas les mêmes réponses que les déplacements engendrés par les catastrophes soudaines, par exemple. Donc, en conclusion, toute cette distinction, la question de la distinction entre les différentes catégories de déplacés environnementaux nous permet de réfléchir au type de catégorisation qui existe en droit. Est-ce que la catégorisation devrait être objective, donc fondée sur les besoins, ou au contraire, est-ce qu'elle devait être plus subjective, fondée sur les raisons du départ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre attention.